C'est la conclusion. Merde. Et la conclusion. moi j'allais changer, il me connaît, il savait que j'allais changer, je t'arrive au bout de ce que j'avais à dire là. En vrai. Il le savait, il me connaît. Fantastique à elle, qui joue dans le mou, qui joue tape sur des tambours partout. Ça lui paraît pas fantastique, pourtant elle rime ouverte, découvre de tout. Elle sent elle sent comme elle bouge, elle sent comme elle bouge, elle sent comme elle. Elle a pas le rythme non plus, pourtant elle porte tout et tout. Et les instruments aussi. Et les instruments aussi. Qu'elle rapporte tout et tout. Qu'elle porte sur son dos, qu'elle se fait de pleurs. graines et j'en mange pas. Tu ne t'imagines pas dans mon école de jazz, mais quelle humiliation ça a été. Aussi parce que j'aimais pas trop. Ouais, c'était l'humiliation. J'étais pas le premier de la classe, j'étais le dernier. C'était horrible. Et ben ouais, du coup j'ai appris, t'as vu, je suis arrivé là, pop, comme un coq, je ressors, ouf, ça va mieux. Et ben ouais. Non, c'est parce qu'il y a plein d'autres gens. Et oui, surtout que... Ouais, non, c'est vrai que surtout, mais en fait, ils m'ont mal reçu, hein, parce que alors que j'avais... Moi j'ai mes copains sur internet, ils savent pas quelle tête j'ai. Je dis ça, je suis le petit frère de monsieur Tristan. Ça va mieux, mais à un moment à Toulouse, il y avait une seule salle qui permettait de sortir. Thank you. Thank you.